Bom, bem bom, bom, bom. Organização neurose, maloqueiro, rancar. De white, one. Os maloqueiros, só maloqueiro. Os maloqueiros, só maloqueiro. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só os maloqueiros, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só maloqueiro, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Hoje arriva sur place, vas-y sur une feuille, genre le chichon. Mon pote, tu venu en paix, mais toujours prêt pour la baston. Dans le rap, je monte la pression, trop violent comme au ballon. Les putes ne m'écoutent pas, non, alors je suis trop violent. Là, je te parle de putes, mais la plupart des putes, c'est des mecs. Je te parle de ceux qui ont une vie pour pouvoir pécho des schnecks. Ton miroir te rejette que de la fausseté. Tes meilleurs amis, c'est les condés, toujours prêt pour les appeler. Appeler dans ma tête, trop de cauchemars, trop de pensées. J'ai du sang sous les mains, difficile dans le cœur. J'ai besoin de quelques grammes, besoin de quelques dames, besoin qu'on me vide les couilles. Besoin de monter à âme, retour vas-y sur les thunes. Quand j'arrive sur place avec les yeux défoncés sous ma casquette, sur place on traîne pas beaucoup pour les flics, on est des gens pas nets. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só os maloqueiros, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só maloqueiro, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Non, je ne suis pas un fake. Avant de prendre le mic, je faisais la break. Je n'ai pas besoin de rapper pour me taper des schnecks. T'es pas contente avec mon rap, t'as qu'à sucer des geeks. Faut que je défonce, mon rap c'est ma seule croyance. Ces putains d'MC croient faux chaud, mais ils ont l'attitude d'une pétasse. Les vrais sont à les faux, ils dégagent. Ma rage, ma peine, mon flow, la scène, c'est tout ce qui me fait vibrer. T'as envie de sauter, de crier, niquer un con. Des lettres au troisième dent en l'air. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, on est hal, et on fout le dalois. Si t'as la cheese, fais tourner, ne fais pas le radin. C'est pour tous mes gars encadrés, c'est pour tous mes gars enragés. C'est pour tous ces frères derrière ces murs. Que la justice elle nique sa mère, normal qu'on reste vulgaire. Ces putains la chatte en l'air veulent me faire taire, mais je vais pas leur rendre ce plaisir. Trop de temps perdu, pas moyen que je reste kéblo. Pète le son à fond, vas-y allume ton bédo. Passe-moi le mic, un bloc-note et je te pète ta stéréo. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só os maloqueiros, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só maloqueiro, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Bidibi bom bom, bidibi bom bom, bidibi bom bom bom. Organização neurose, maloqueiro, rancaro. MG, Wike, Luan, Brasil, Sarsu. Conexão, Paris, RS, OA. Unido, lito, só vacilo, é pó, seguro, B.O. P.O. Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, la, só, fa, mi, ré, dó. As vocais vão dar na rebobina pra ouvir melhor. Não entendeu o que eu cantei, põe no slow. Se lança fa mi ré dó ré mi fa sol lá si. Aí rimando da frente pra trás, de trás pra frente, faz como eu fiz. Te apago feito giz, tô de ronda, cê tá de bis. No rap quer ser juiz, não faço só metade do que faço e fiz. Aqui ali colar, pra frente pra trás aqui ou lá. Pegada de Al Jazeera, Irotan, Al Qaeda. Sou terrorista na rima, os comédia se abrem, os invejosos sabem. Cantar o louco, naipe Osama Bin Laden. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só os maloqueiros, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara. Quem não sabe, eu sou MG, pega no mic e let it go. Só maloqueiro, só maloqueiro. Se pra tu me cão um rage, se pra tu me cão um cadre. Guilherme MG, conexão favela, come cara.